toutes et à tous et bienvenue comme tous les mardis à 8h et 13h30 pour partager ces quelques minutes bonheur ensemble. Aujourd'hui, je vous propose de rêvasser, je vous propose de vous prélasser. On a tous vu un jour cette image de quelqu'un en pleine farniente, sur son hamac entre deux arbres, contemplant l'horizon. On a sûrement tous rêvé un moment donné de se poser et de ne penser à rien. Mais est-ce possible? Ah, Gainsbourg disait, mieux vaut ne penser à rien que de ne rien penser du tout. Il serait impossible de s'arrêter de penser car nos pensées sont toujours présentes, sans que l'on s'en rende compte. En fait, il serait plus juste de dire que même lorsque nous ne pensons à rien, notre cerveau est actif. Il trie les informations accumulées, réactive des souvenirs, permet d'adopter de nouveaux points de vue. Eh bien oui, penser serait naturel, tout comme le fait de respirer. Nous aurions en moyenne 60 000 pensées par jour. Il est temps de faire le tri, il est temps de faire le vide. En fait, pas tout à fait. Il est temps de rêver. Période de l'année propice au repos, au plaisir simple, à la vie à l'extérieur, cette saison magnifique nous rappelle l'importance de s'arrêter, de regarder sans rien d'autre que laisser aller les soucis du moment et les tensions accumulées. Reprendre son souffle, retrouver l'art de la rêverie. Que ce soit dans votre jardin ou au bord d'une rivière ou encore sous un arbre, chaque occasion est propice pour renouer avec soi. Le défi est de résister à l'impulsion de devoir absolument faire quelque chose. Ces moments de repos invitent à la rêverie. La rêverie est l'art aujourd'hui oublié de broder l'existence au gré de l'imagination libérée de ses servitudes. C'est le secret des âmes heureuses. Le repos est une vocation, c'est-à-dire une aptitude particulière à cultiver afin de vivre selon son rythme naturel. L'être, vous le savez, après avoir éprouvé le malaise dans votre corps ou dans votre esprit du temps trop lent ou trop rapide, a son propre cycle qui se doit, eh bien, d'être respecté. Henri Frédéric Amiel écrivait dans son journal intime le 29 avril 1852 « La rêverie est le dimanche de la pensée ». Profitons de nos moments de glandouille pour laisser aller notre esprit s'évader et musarder tout son sol. Nous avons entendu depuis notre enfance qu'il faut arrêter de rêvasser. Se laisser aller à une absence de concentration est souvent associé à de la paresse ou de la distraction, de l'inattention ou bien du désintérêt. Estampillé infantile et du domaine de la névrose par Freud, elle n'a jamais connu son heure de gloire. Pourtant, l'homme étant capable de rêverie, on peut partir du principe qu'elle a une utilité. Et peut-être même, pourquoi pas, soyons fous, des vertus. Eh bien, il se trouve qu'elle en a plein. Et oui, saviez-vous que se laisser à la rêvasserie stimulerait entre autres notre libido ? Ou encore développerait notre créativité ? Très bonne nouvelle, cette manie augmenterait donc l'activité de nombreuses zones du cerveau, notamment celle dédiée à la résolution des problèmes complexes, selon le professeur Kalina Christophe de l'Université de Colombie-Britannique au Canada. Mieux, l'étude a démontré que lorsque les participants se laissaient aller à la rêverie, la partie de leur cerveau associée à la résolution des problèmes était plus active que lorsque leur esprit restait concentré sur des tâches routinières. Être dans les nuages, s'abandonner aux songes, laisser son esprit s'évader, c'est un peu comme prendre de la hauteur, de la distance. En changeant de perspective, en cessant de se concentrer, le cerveau libéré travaille beaucoup mieux. Et c'est sans doute la raison pour laquelle notre esprit vagabonderait environ 30% du temps. Il semblerait même que rêvasser soit bien plus efficace dans le traitement de problèmes complexes que la concentration. Débarrasser des sollicitations parasites de celles-ci ainsi que des croyances sur comment nous devrions penser, le cerveau, la bride sur le cou, se met à fonctionner à toute vapeur. Ce qui lui permet de laisser libre cours à sa créativité. Bref, nos escapades mentales sont une composante essentielle de notre efficacité. Jean-Claude Carrière a dit « Le rêve est la vraie victoire sur le temps ». D'autre part, se ménager des temps pour rêvasser est une façon de s'autoriser à s'extraire de l'environnement immédiat, parfois plus générateur d'inconfort et de parasitage que de réflexion sereine. Et de laisser notre matière grise nous emmener là où ses préoccupations se portent. Et si elle ne vous entraîne pas directement sur l'élaboration des solutions intelligentes pour le dossier Tartampion, ou l'identification d'une voie de reconversion, il est probable qu'elle vous emmènera régler d'autres problèmes et vous libérera suffisamment d'espace mental pour y réfléchir sans être pollué par tout un tas de parasites pénibles. Autorisons-nous donc la rêverie, laissons notre esprit nous entraîner là où il le souhaite et observons avec curiosité où cela nous mène. Ce magnifique verbe rêver a de multiples sens, rêvasser ou rêver, c'est comme vous le choisirez. Moi je finirai avec une citation de Johann Wolfgang. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Je vous laisse à une bulle de son spécial pour cette minute bonheur, les pensées de The Architect. Écoutez bien les paroles jusqu'au bout, tout au long de ce son, car c'est très très important pour aller avec ces minutes bonheur d'aujourd'hui. Et bien sûr, un coucou à notre Camille nationale qui m'a tout simplement soufflé ce titre. Des bisous. Imaginez la forme de la boîte crânienne. son épaisseur, sa dureté. Comparer le plan mental à une scène de théâtre sur laquelle évoluent des personnages. Ce sont les images, les pensées, Ordonner à ces acteurs de se retirer et conserver une seule image. Installez-vous dans cette pensée et de ce moment, vous cessez de faire et commencez à être. Émerge l'essentiel, ce que l'on est. You gotta move, you gotta move, you gotta move, child, you gotta move. You may be high, you may be low, you may be rich, child, you may be poor. Vous êtes tranquillité.